Le comité préparatoire guinéen consacré aux journées du soleil et de la brillante étoile et l'association de Kim Sunya Kim Jong-ilia de Guinée ont publié en commun le bulletin « Naissance de Kim Jong-ilia » à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Le bulletin présente en détail l'origine de la culture et les caractéristiques de la fleur d'honneur. En expliquant que le sens et la valeur de cette fleur sont la figuration de la grandeur du général coréen, le bulletin affirme que le Kim Jong-ilia est d'un bout à l'autre la fleur du grand homme, à partir de sa couleur jusqu'à ses feuilles et tiges.